Je suis Nisman, comme les millions de Français qui ont défilé en proclamant « Je suis Charlie ». Des centaines de milliers d'Argentins sont récemment descendus dans les rues de Buenos Aires en scandant « Je suis Nisman ». Alberto Nisman, un procureur retrouvé mort chez lui alors qu'il devait le lendemain rendre public son rapport d'enquête sur une affaire dramatique qui empoisonne la vie politique argentine depuis une vingtaine d'années. L'attentat antisémite le plus sanglant de toute l'histoire de l'Argentine, 84 morts et 300 blessés en juillet 1994. Un attentat qui avait été précédé par une autre action terroriste contre l'ambassade d'Israël, au cours de laquelle, en mars 1992, 28 personnes avaient péri. Dans ces conditions, la mort de Nisman a donc provoqué un véritable traumatisme en Argentine, d'autant que les circonstances de son décès ne sont toujours pas éclaircies. Si, de façon hâtive, les autorités du pays ont évoqué un suicide, cette thèse a été non moins rapidement battue en brèche et la mort mystérieuse du procureur est même devenue une affaire d'État. Qui avait intérêt à étouffer son enquête? Et si Nisman a été assassiné, qui a commandité ce meurtre? La présidente Kirchner elle-même ne doit-elle pas être soupçonnée? Bref, nombreux sont les Argentins qui dénoncent un vrai scandale politique, un scandale qui fait remonter à la surface les heures les plus sombres de l'histoire du pays. Una noche sin luna en el cielo, en tus brazos sentí el consuelo. Era eterno el momento que yo guardé, una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió tu ventana, como un niño entregar, te di mi amor, el cariño sincero que tú me dabas, como un blanco respiro, volví a sentí el consuelo. Era eterno el momento que yo guardé, una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió tu ventana, como un niño entregado te di mi amor, el cariño sincero que tú me dabas, como un blanco respiro, volví a vivir. Una noche sin luna en el cielo. Una noche sin luna en el cielo. Les faits d'abord. Le dimanche 18 janvier 2015, la mère du procureur, Alberto Nisman, s'inquiète. Son fils ne répond pas au téléphone et sa porte demeure close. Et où habite-t-il ? Son appartement est situé au 13e étage d'une tour située dans un quartier chic de Buenos Aires. Précisons tout de suite que Nisman, en raison de la nature des dossiers dont il a la charge, bénéficie d'une protection policière. Deux hommes montent la garde à l'entrée de son immeuble. Et son chauffeur est aussi un policier. Et est-ce que ces hommes-là sont également inquiets ? Oui, car eux non plus n'ont pas de nouvelles du magistrat qu'ils sont censés protéger. Mais ils n'ont pas alerté leur supérieur. Enfin, c'est une faute. Certainement. Et d'ailleurs, ils ne tarderont pas à être licenciés. Vers 22h, c'est la mère du procureur qui prend l'initiative de faire ouvrir la porte de l'appartement par un serrurier. Et dans la salle de bain, elle découvre le corps de son fils qui gît dans une mare de sang. À côté de lui, il y a un revolver de petit calibre. Oui, ça ressemble à un suicide. Évidemment. Et ce sera la version officielle des autorités, malgré des constatations troublantes. Il n'y a, par exemple, pas de traces de poudre sur les mains du magistrat. Oui, mais il y a cette porte d'entrée fermée. C'est vrai. Cependant, on s'apercevra qu'on pouvait pénétrer dans l'appartement par une porte de service. Autre fait bizarre. Les nombreuses caméras de surveillance placées dans la rue et autour de l'immeuble n'étaient pas en état de fonctionner. Et puis, il y a surtout le contexte. Le lendemain, le procureur devait présenter devant une commission officielle un rapport explosif de près de 300 feuillets accusant la présidente Kirchner d'avoir tout fait pour étouffer son enquête sur les deux attentats antisémites des années 90. Oui, ça, c'est en effet troublant. D'autre part, il est certain que Nisman se sentait menacé. C'est ce qu'a révélé son ex-femme, une juge fédérale. Il était même si inquiet que la veille de sa mort, il avait demandé à son chauffeur de lui procurer une arme. Mais c'est finalement un ami, informaticien, qui lui a apporté un revolver. Cette arme alors qu'on va retrouver près de son corps. Oui. Enfin, dernier indice embarrassant pour le pouvoir, on va découvrir dans la poubelle du magistrat des écrits qui indiquent qu'Alberto Nisman avait l'intention de placer la présidente argentine en détention ou, à tout le moins, de lui interdire de quitter le territoire national. Et à partir de là, il est tentant de conclure que Cristina Kirchner a commandité l'assassinat de Nisman. Bah, c'est aussitôt ce que pense la majorité des Argentins. Et elle, alors, la présidente Kirchner, comment réagit-elle ? Bah, elle accrédite d'abord la version du suicide avant d'adopter publiquement la thèse de l'assassinat. Un peu contrainte et forcée, non ? Bah, on peut l'imaginer. Et aujourd'hui, alors, presque deux mois après la mort d'Alberto Nisman, est-ce qu'on y voit un peu plus clair ? Non, et j'allais dire bien au contraire. L'enquête policière n'a toujours pas permis de faire la lumière sur la mort du procureur et sur les mobiles des éventuels assassins. Seule avancée, si j'ose dire, l'implication de Cristina Kirchner semble de plus en plus douteuse. On sait quand même qu'au centre de cette affaire, il y a ces deux attentats qui ont frappé la communauté israélite de Buenos Aires il y a 20 ans. C'est certain. Aussi, avant d'aller plus loin, je vous propose de revenir sur ces événements tragiques. Bon, souvenez-vous, nous avons parlé autrefois. Le premier attentat a eu lieu le 17 mars 1992 à l'heure du déjeuner. Une auto piégée explose contre le bâtiment de l'ambassade israélienne à Buenos Aires. Mais, d'après d'autres sources, les explosifs auraient été disposés à l'intérieur de l'immeuble. En tout cas, la déflagration est spectaculaire et cause la mort de 28 personnes, dont 11 Israéliens. L'attentat est-il revendiqué ? Oui, mais comme toujours dans ce genre d'affaires, il faut considérer ces revendications avec prudence. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs revendications. Au moins deux. La première émane d'une organisation palestinienne inconnue, l'autre d'un groupe nazi. Et cette dernière revendication paraît assez plausible pour le gouvernement, qui met aussitôt en lumière une possible collusion entre des militaires d'extrême droite et des nostalgiques du Troisième Reich. Et surtout dans un pays qui a accueilli un peu trop généreusement de nombreux nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on va en reparler. Pourtant, en même temps, le président argentin de l'époque, Carlos Menem, demande l'aide du Mossad et de la CIA. Ah oui, c'est-à-dire qu'il croit, lui, à une piste étrangère. Et d'ailleurs, presque immédiatement, Israël pointe une piste irano-syrienne, mais sans apporter de preuves. Toutefois, les Israéliens doivent disposer d'informations de première main. Le deuxième attentat se produit deux ans plus tard, en juillet 1994. Là encore, c'est une voiture piégée qui est précipitée contre un bâtiment, celui de l'AMIA, l'Association Mutuelle Israélite d'Argentine. C'est donc un attentat suicide. En effet, et qui provoque un véritable massacre.

Il était quand même prévu que les Juifs les plus riches seraient toutefois acceptés. Puis vient Péronne, qui ouvre grand les portes aux nazis. Des nazis allemands ou croates, dont certains ne se donnent même pas la peine de changer d'identité, tant ils se sentent tranquilles dans leur pays d'adoption. Oui, ça ne pouvait que contribuer au renforcement du sentiment antisémite. Bien entendu. Après le règne de Péronne et de son épouse Isabella, la junte dirigée par le sinistre général Videla épouse la même idéologie. Videla a déclaré que tous les individus dont les idées étaient contraires à la civilisation occidentale et chrétienne seraient considérés comme subversifs. Ça signifiait l'internement, la torture et souvent la mort. Les Juifs argentins sont donc particulièrement visés. Sur 30 000 morts ou disparitions attribuées aux militaires, on trouve 12% de Juifs, alors qu'ils ne représentent qu'un petit pourcent de la population. La disparition du procureur Alberto Nisman a été vécue douloureusement par les Juifs argentins. Le magistrat était en effet de confession juive. Alors, qu'en est-il vraiment de l'antisémitisme en Argentine ? En 1994, à l'époque des deux attentats de Buenos Aires, l'historien Robert Weisbrot écrit ceci dans le journal américain The New Republic. Quand les Juifs sont arrivés pour la première fois en Argentine, ils ont été méprisés comme de simples camelots. Aujourd'hui, les Juifs qui ont réussi dans les affaires sont critiqués en tant que nouveaux riches. Les idéologies extrémistes se sont cristallisées sur cette hostilité souvent nébuleuse envers les Juifs, produisant des stéréotypes virulents soutenus par un appel à la lutte contre une conspiration judéo-bolchevique visant l'État argentin. De telles accusations ont toujours un faux air de légitimité parce qu'un nombre disproportionné de gens de gauche dans le pays, en particulier chez les communistes, ont été d'origine juive, même si traditionnellement la plupart des Juifs ont soutenu les candidats démocrates et anticommunistes. Au fur et à mesure que les Juifs ont consolidé leur position au sein de la classe moyenne, ces accusations ont été de plus en plus accompagnées d'avertissements sur leur rôle en tant qu'agents insidieux des banquiers étrangers. Refermons cette longue parenthèse sur l'antisémitisme en Argentine. Pas avant toutefois de vous dire que si ce sentiment raciste s'est atténué, il subsiste dans l'armée et la police. Mmh. Quelles ont été les réactions en Argentine après les deux attentats ? Il y a eu naturellement un sentiment de compassion dans la population argentine, mais les Juifs, eux, ont eu tendance à se replier sur eux-mêmes. Ouais, la peur. Alors même que beaucoup de Juifs sont très intégrés et occupent des places enviables dans la société argentine. Mais après le deuxième attentat, les premières investigations conduites par le juge Galeano ont conforté leurs craintes. En effet, le magistrat a arrêté plusieurs policiers de la police de Buenos Aires, accusés pour leur participation à l'attentat. Pour les Juifs argentins, c'était bien la preuve que l'appareil d'État était infiltré par les néo-nazis. Et ce qui a pu légitimement inquiéter aussi les Juifs argentins, c'est l'attitude du président Carlos Menem. Mais c'est-à-dire ? Après le premier attentat, il déclare solennellement qu'il va ouvrir les archives sur les nazis réfugiés en Argentine. En fait, il ne fera que rendre public quelques vieux dossiers sans intérêt. Il existerait donc toujours, à l'époque, hein, la volonté de protéger ces nazis. C'est ce qui apparaît. Ouais. Et ces policiers compromis, là, que leur reproche-t-on exactement ? Ben, vous devez d'abord savoir que ce sont 32 fonctionnaires, dont un commissaire et trois adjoints, qui sont mis sous les verrous. Ce qu'on leur reproche, eh bien, ils auraient servi de courroie de transmission aux terroristes. Et tous seraient des policiers liés à l'extrême droite. Un an plus tard, le gouvernement argentin franchit une nouvelle étape, encore plus spectaculaire. 5000 policiers, dont des dizaines d'officiers de haut rang, sont chassés. Et toujours à cause des attentats ? Ah, pas seulement. Cette énorme purge vise aussi à chasser de la police des hommes corrompus liés au trafic de drogue et même complices d'assassinats. Et c'est vrai ? Il y avait certainement pas mal de policiers corrompus en Argentine. Mais, à l'évidence, seuls quelques-uns avaient peut-être à voir avec les deux attentats de Buenos Aires. La preuve, c'est que lorsque le procès du sanglant attentat contre le centre culturel juif s'ouvre en 2001, on ne trouve dans le box des accusés que des seconds couteaux, dont l'homme qui aurait vendu la camionnette piégée aux terroristes. Et seulement 4 policiers. Ouais, alors l'accusation a donc fait long feu. Hein. Et surtout, on s'aperçoit que depuis le début, l'enquête ne fait que cafouiller. D'ailleurs, les Argentins prétendument impliqués dans l'affaire finiront tous par bénéficier d'un non-lieu. Je vais y revenir, parce qu'on va aller de surprise en surprise. Mais n'allons pas trop vite. Ouais, et revenons même un peu en arrière. Attendez, une question essentielle d'abord. Ces deux attentats, enfin, si j'en juge par les dégâts qu'ils ont provoqués, ont dû nécessiter une grande quantité d'explosifs. Hein. Sait-on comment ils sont arrivés en Argentine ? Les frontières de ce grand pays ont la réputation d'être assez poreuses. Et c'est un euphémisme. En outre, il existe au nord un curieux endroit qu'on appelle la triple frontière. C'est une sorte de triangle aux confins du Paraguay, du Brésil et de l'Argentine, tout près des chutes très pittoresques de la rivière Iguazú. C'est aussi un haut lieu de tous les trafics, drogues, armes, électroniques, produits de luxe, contrefaits. On trouve ce qu'on veut dans cette zone de l'endroit. Il n'y a pas de douaniers ? Si, il y en a. Mais il suffit seulement de leur graisser la patte pour passer tout ce que vous voulez. Tant et si bien que ce triangle est devenu un gigantesque duty-free illégal. Cependant, ce qui est particulièrement intéressant là-bas, c'est que s'y sont installées d'importantes communautés et qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer en Amérique du Sud. Par exemple ? Des Chinois qui ont fait de ce territoire à Hong Kong de la corruption et du trafic. Mais encore plus étonnant, il existe aussi, surtout dans la ville paraguayenne de Ciudad del Este et la cité brésilienne de Foz de Iguazú, de très nombreux Arabes originaires du Proche et Moyen-Orient, entre autres beaucoup de Libanais. J'ajoute que c'est aussi là que certains nazis se sont installés après la guerre. Oui, parce qu'il était facile, en cas de difficulté, de passer d'un pays à l'autre. Naturellement. Mmh. Et très tôt, les services secrets occidentaux se sont intéressés à cette zone cosmopolite où ont fleuri nombre de mosquées. Ouais, qu'ont-ils découvert ? La présence probable parmi cette communauté arabe de militants du Hezbollah. Ouais, admettons que ce soit vrai, mais quel serait l'intérêt de ce parti islamique d'établir une base si loin du Proche-Orient ? Pour ma part, j'en vois deux. D'abord, le parti de Dieu, telle est la traduction de Hezbollah, pourrait y financer ses activités. Oui, en participant au trafic. Pourquoi pas ? En plus, le Hezbollah aurait la possibilité de réclamer une sorte d'impôt révolutionnaire aux commerçants libanais qui opèrent dans le secteur. Mais c'est une pure hypothèse, car je n'ai pas de preuves. Le deuxième intérêt, c'est la contrebande d'armes. Le Hezbollah s'y approvisionnerait ? Pourquoi pas ? Encore une fois, l'Amérique du Sud me paraît bien loin du Liban. Hein. Sans doute, mais à partir de la triple frontière, on peut atteindre la mer en naviguant sur le Rio Panama. En tout cas, il était logique d'imaginer que les auteurs des deux attentats de Buenos Aires auraient pu venir de la triple frontière et y retourner aussitôt leur forfait accompli. Ouais, une pure supposition. Hein. Et qui a peut-être été inspiré alors par ces agents du Mossad là, auxquels le président Menem a fait appel. Et le Hezbollah a eu beau jeu d'affirmer que les rumeurs sur son implantation dans cette zone relevaient purement et simplement de la propagande. Propagande états-unienne et sioniste, bien sûr. Ouais. Mais je reviens aux premières accusations israéliennes contre l'Iran. Sur quoi sont-elles basées ? D'après les Israéliens, Téhéran aurait pu faire payer aux Argentins la rupture d'un contrat sur une importante fourniture de matériel nucléaire. Autre mobile, toujours selon les dirigeants de l'État hébreu, le Hezbollah, encore lui, aurait pu exercer une vengeance après deux opérations israéliennes menées en 1994. D'abord, l'enlèvement d'un de leurs leaders au sud Liban, puis un règne aérien meurtrier contre une de leurs bases dans la plaine de la Beka au Liban, qui avait provoqué la mort de 35 personnes. D'accord, mais encore une fois, pourquoi frapper si loin du théâtre proche-oriental ? C'est vrai. Il n'empêche que le ministre israélien des Affaires étrangères, Shimon Peres, affirme que son pays détient des preuves indirectes contre le Hezbollah et donc contre l'Iran, centre de tous les actes de terreur. Une déclaration suivie aussitôt à Buenos Aires par l'arrestation de trois suspects, dont une iranienne en possession d'un passeport falsifié, ainsi que le vendeur présumé du véhicule piégé, un certain Carlos Tadelli. Alors l'Argentine semble donc accorder foi à ces accusations. Et début août 1994, la justice argentine lance un mandat d'arrêt international contre quatre Iraniens ayant récemment travaillé à l'ambassade de Buenos Aires. En outre, ces soupçons se portent sur l'attaché culturel, un religieux, Mohsen Rabbani, qui est aussi le chef spirituel de la communauté chiite argentine. Ouais. Mais s'il est diplomate, il ne peut pas être inquiété. Il s'empresse quand même de rejoindre au plus vite son pays, en tout cas. Il semble bien que la piste iranienne soit de plus en plus privilégiée. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. La piste iranienne, donc. Mais de nombreux observateurs argentins soulignent que cette thèse ne repose que sur des renseignements d'origine israélienne ou américaine, ce qui permet à Ignacio Clich d'écrire ceci dans Le Monde diplomatique en mars 2007. Rien de ce qui a été avancé jusque-là n'indique qu'on puisse écarter la piste proche orientale ou fondamentaliste. Mais il convient de penser que si les armes de destruction massive de Saddam Hussein, tant évoquées et jamais découvertes, ont servi pour justifier l'invasion de l'Irak, les accusations contre M. Rafsanjani et d'autres responsables peuvent demain faire partie de l'arsenal de propagande visant à promouvoir un départ en guerre contre l'Iran. Lorsque, 4 ans après l'explosion de l'Amia, des responsables israéliens ont parlé de preuves concrètes quant à l'implication iranienne, le ministre des Affaires étrangères argentin, M. Guido Di Tella, a affirmé que si le responsable de l'attentat était un pays dont le nom commence par la lettre I, il y a plus de chances que ce soit l'Iran que l'Italie, avant toutefois d'ajouter, mais ce qui fait défaut, ce sont des preuves solides. En réalité, plus les années passent et plus on a l'impression que l'enquête sur les deux attentats de Buenos Aires s'enlise. Et pour plusieurs raisons. Premièrement, il apparaît que l'Argentine n'a pas la volonté d'impliquer officiellement l'Iran, qui est son principal client pour l'achat de céréales, d'huile et de viande. D'autre part, les dirigeants argentins craignent de blesser leur importante population musulmane. Mais on a aussi l'impression que le piétinement de la justice argentine et ses errements dissimulent une vérité inavouable. Des errements, avez-vous dit, c'est-à-dire ? Les négligences de l'enquête officielle sont nombreuses. Des preuves matérielles sont détruites ou perdues. Et tant dans la communauté juive qu'à l'ambassade israélienne de Buenos Aires, on met ça sur le compte de l'antisémitisme latent des élites dirigeantes. Alors ça serait là, cette vérité inavouable ? Pas seulement. Pour la première fois, deux journalistes argentins avancent l'hypothèse d'une piste syrienne. Et bien sûr, ce n'est pas étranger au fait que le président Carlos Menem, en fonction à l'époque des attentats, est d'origine syrienne. Sa famille aurait d'ailleurs conservé des liens étroits avec Damas. Oui, et puis Damas est aussi un allié objectif de Téhéran. Bien sûr. Puis en juillet 2002, on assiste à un vrai coup de théâtre. le New York Times accuse l'ex-président Menem d'avoir empoché 10 millions de dollars en provenance de Téhéran. Ah oui, mais en contrepartie de quoi ? Menem se serait engagé à ne pas impliquer l'Iran dans la responsabilité des attentats. Et le journal américain apporte-t-il des preuves ? Il cite le témoignage d'un ex-agent de haut rang des services iraniens passés en Occident. Réaction de Menem ? Il dément, bien entendu, avec la plus grande énergie. Mais il est contraint d'avouer qu'il possède un compte bancaire en Suisse, ce qu'il avait toujours nié jusque-là. Ouais. Parce qu'il avait déjà été mis sur la sellette. Oui, et les reproches qui lui étaient adressés étaient particulièrement nombreux. Corruption, enrichissement personnel, et j'en passe. Et donc maintenant, cette immixtion dans l'enquête judiciaire sur les attentats. Et la presse de souligner évidemment son origine syrienne et aussi le fait que Menem est né dans cette zone grise de la triple frontière. On ne se prive même pas d'observer que la famille de l'ex-président a été souvent mêlée à des affaires concernant le Proche-Orient. Sa belle-sœur, par exemple, a été soupçonnée d'avoir fait obtenir un passeport argentin à un redoutable terroriste syrien. Ouais, c'est en effet embarrassant. Et les suites ? Menem, assez étrangement, passe au moins provisoirement à travers les gouttes. Car bientôt, c'est à un autre personnage clé qu'on va s'intéresser. À qui alors ? Le juge Galeano. Le patron de l'enquête, donc ? Lui-même. Il est accusé par les services secrets argentins, qui ont changé de tête après l'élection en mai 2003, du président Néstor Kirchner, d'avoir délibérément égaré l'enquête. Mais comment ? Galeano aurait donné 400 000 dollars à l'homme qui a fourni la camionnette aux terroristes. Ouais, encore une fois, dans quel but ? Obtenir une déclaration accusant des policiers d'avoir partie liée avec les terroristes. Et ces policiers qui ont été effectivement arrêtés et emprisonnés. Hein ? C'est ça. Ouais. Il faut observer que la mise en cause de ces hommes correspondait tout à fait à la volonté iranienne de ne pas apparaître dans cette affaire. Alors c'est une affaire qui deviendrait uniquement argentine, car fomentée par des policiers d'extrême droite. Oui. Ouais. Et les 400 000 dollars, alors, d'où viendraient-ils ? Ce serait une petite partie de l'argent versé à Menem. Mais si Menem a vraiment touché, ce qui n'est nullement établi, décidément, c'est bien compliqué. Quoi qu'il en soit, le magistrat qui a entre-temps démissionné, pensant ainsi se mettre à l'abri, est quand même arrêté et inculpé. Ça signifie que le président Kirchner est bien décidé à en finir avec ses mœurs mafieuses. Et d'ailleurs, il a reconnu publiquement en 2005 la responsabilité de l'État dans ses graves carences de la justice de son pays. Est-ce que ça fait pour autant avancer l'enquête ? En tout cas, ça relance la piste iranienne. Le nouveau juge fédéral chargé de l'affaire, Rodolfo Corral, ose même délivrer un mandat international pour crime contre l'humanité à l'encontre de l'ayatollah qui était président de l'Iran au moment des attentats. C'était Rafsanjani. Oui. Hein. Mais je vois mal cet ayatollah-là répondre de ses actes devant la justice internationale. Vous avez raison. Ce mandat d'arrêt restera virtuel. Mais il a provoqué des remous en Argentine. Si l'action du juge a été naturellement approuvée par la communauté juive, il s'est trouvé des proches du président Kirchner pour désapprouver cette initiative. Et pour quelle raison ? Parce qu'ils ont estimé que ce mandat d'arrêt émis contre un ancien dignitaire iranien ne l'avait été qu'à cause des pressions exercées par les États-Unis et Israël. Et c'est vrai ? Ces pressions existent, incontestablement. Elles sont même parfois très voyantes. Il est clair que dans la situation internationale des années 2000, tout ce qui peut affaiblir l'Iran est le bienvenu, tant à Washington qu'à Jérusalem. Quoi qu'il en soit, la polémique a été vive en Argentine et Kirchner a même dû se séparer de l'un de ses ministres qui s'était rendu à l'ambassade iranienne pour dénoncer les ingérences américaines et israéliennes. Alors, je vous repose la question. Est-ce que la volonté de Kirchner est suivie des faits ? Le président a pris une décision importante. Pour accélérer la résolution de l'affaire des attentats, il décide d'ouvrir les archives des services secrets argentins, le CID. Et vous le verrez, c'est sans doute là que se situe une partie du mystère. Mais un peu de patience. Autre initiative, Kirchner offre une récompense de 3 millions de dollars à qui pourrait apporter des informations nouvelles. C'est alors que se produit un nouveau coup de théâtre. Expliquez. En août 2003, l'ex-ambassadeur iranien à Buenos Aires, Hadi Soleimanpour, qui suivait des cours en doctorat dans une université britannique, est interpellé à Londres au nom d'un mandat d'arrêt international délivré par la justice argentine. Mais Londres, jugeant les preuves à son encontre insuffisantes, refuse de l'estrader. Il est donc relâché. Et c'est un nouveau coup dur pour les tenants de la piste iranienne. D'autant que ça arrive en même temps que l'issue du procès contre les policiers argentins et l'homme qui aurait fourni la camionnette. Tous bénéficient d'un non-lieu. Et retour à la case départ. Tandis qu'en sous-main, les règlements politiques font rage entre l'équipe de l'ex-président Menem et celle de l'actuel chef de l'État, Kirchner, qui veut effacer l'image de corruption attachée à la présidence argentine durant près de 10 ans. Et bien évidemment, au centre de cette bagarre, il y a l'enquête sur les attentats, car il apparaît clairement qu'elle a été sabotée. Oui, mais par qui, Menem ? Oui, avec la complicité de l'ancien ministre de l'Intérieur, mais aussi l'ex-chef des services secrets. Et bien sûr, le juge Galeano, qui va être convaincu d'avoir commis pas moins de 13 délits. On en est donc là, au mi-temps des années 2000. Quand apparaît dans le dossier un nouveau personnage, Alberto Nisman, nommé chef de l'équipe des procureurs chargés de l'enquête. Ce magistrat va reprendre l'affaire à zéro. Nous en reparlerons la semaine prochaine, mais je peux vous dire tout de suite que cet homme pugnace va explorer avec la plus grande détermination la piste iranienne. Alors, si vraiment, comme tout le monde semble penser, il a été assassiné, faut-il regarder du côté de Téhéran ? Bah, pourquoi pas ? Mais comme je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure, à mon avis, la solution se trouve bien plutôt dans les agissements mystérieux des services secrets argentins. Des services qui, il faut le remarquer, emploient toujours des agents qui étaient en place sous la sanglante dictature des militaires. Cette émission a été réalisée par Michel Billoux, mise en musique par Monsieur Djoub et préparée par Rebecca Nonon. Qui a lu quoi cette semaine ? Oui, le captivant polar du britannique Philip Kerr, Une douce flamme, avec son fameux détective Bernie Gunter, parti enquêter au début des années 50 dans l'Argentine du général Perón, le refuge des nazis exilés. C'est paru chez Lattès. Et je voulais aussi signaler les mémoires du journaliste Éric Rouleau, grand connaisseur du monde arabe, qui nous a quittés récemment. Jeune juif égyptien, il est expulsé de son pays en 1951. Il est d'abord recruté par l'AFP, puis Le Monde, où il couvrira tous les grands événements de la région, comme la nationalisation du canal de Suez par Nasser en 1956. Un passionnant voyage dans les coulisses du Proche-Orient, c'est le titre de l'ouvrage et c'est paru chez Fayard en 2012. Et j'en profite pour adresser un clin d'œil amical à sa fille Émilie Raffoul. Vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr à samedi prochain. Et tout de suite, après les infos, CO2, mon amour, de Denis Chessou.